Le 28 juillet, le directeur chargé des États-Unis du ministère coréen des Affaires étrangères a eu une entrevue avec le directeur du bureau à Pyongyang de la paix des États-Unis au sujet de l'actuelle situation dans la péninsule coréenne. Il a répondu à la question sur l'actuelle situation. Les États-Unis ont perpétré récemment un forfait pour calomnier notre dignité suprême, pour ainsi franchir la ligne rouge dans le duel général avec nous et lancer une déclaration de guerre. Donc, c'est notre droit juste d'y opposer une riposte ultra dure. Pire, les États-Unis ont appelé des biens stratégiques aux environs de la péninsule coréenne et décidé la disposition du SAT en Corée du Sud. Et d'autres démarches américaines laissent prévoir des actes sans précédent au cours des exercices militaires conjoints au mois d'août. Si une situation indésirable se crée dans la péninsule coréenne au cours de ces exercices, toute la responsabilité retombera sur le côté américain. Nous sommes tout prêts à n'importe quelle mesure physique. Si les États-Unis n'abandonnent pas l'hostilité pour faire effondrer notre régime, nous continuerons à prendre des mesures de riposte intransigeantes.